بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الثامن عشر من هذه السلسلة في تفسير كتاب الله تعالى nous sommes donc au 18e cours dans cette série pour l'explication de l'exégèse du livre d'Allah Ta'ala. وقد وصلنا إلى قول الله تعالى فلا أقسم بالخنس. Nous sommes arrivés à la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit فلا أقسم بالخنس. Certes, je jure par celle qui tarde, الجوار الكنس, qui vogue et qui disparaissent. والليل إذا عسعس, par la nuit lorsqu'elle survient, وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ, par l'aube, lorsqu'il apparaît, إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ, certes, c'est la parole d'un noble messager. Certes, c'est la parole d'un noble messager. فقول الله تعالى فلا أقسم بالخنس. La parole d'Allah lorsqu'il dit فلا أقسم بالخنس. Certes, je jure par celle qui tarde. Ici, il y a un point important. Donc déjà le فلا. Ici, ce n'est pas une négation. Comme parfois on va voir non. Je jure par celle qui tarde ou celle qui apparaissent ou selon donc la traduction. Ici donc, le terme « fela » vient appuyer encore plus le fait de jurer. Le terme « fela », ce n'est pas une négation, mais c'est un élément, c'est un terme qui va être utilisé pour appuyer encore plus ce qui est dit par la suite. « Al-jawar il-kunnas » celles qui voguent et qui disparaissent. فَقِيلَ هِيَ النُّجُومُ أَلَّتِي تَخْنَسْ أَيْ تَتَأَخَّرْ وَتَبْدُو بِالْلَيْلِ وَتَكْنُسْ بِالنَّهَارِ فَلَا تُرَى. Et donc il fut dit donc que ce sont les étoiles qui vont tarder. C'est-à-dire donc تَخْنُسْ, c'est-à-dire que celles qui vont tarder et qui vont apparaître pendant la nuit. Ce qui est voulu, donc, ce sont les étoiles, certains savants le disent, les étoiles qui sont plus éloignées que les autres. Et donc, nous, on les voit comme si elles se déplacent plus lentement que les autres. Voilà pourquoi on a comme une impression, d'après notre vision, qu'elles tardent. Voilà une explication donnée par certains ulama. Et donc, qui voguent et qui disparaissent pendant la journée. Alors on ne les voit pas. وَالْلَيْلِ إِذَا عَسْعَسْ, par la nuit, lorsqu'elle survient, وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسْ, par l'aube, quand il apparaît. فَكَلِمَتْ عَسْعَسَ قَدْ تُطْلَقْ وَلَا الْإِقْبَالِ وَالْإِدْبَارِ. Le terme, le verbe عَسْعَسَ peut être utilisé pour le fait de venir et le fait de partir. Fa qad yakunu al-murad wal-layli idha aqbal aw wal-layli idha adbar. Et donc il se peut que la signification soit par la nuit lorsqu'elle vient ou alors par la nuit lorsqu'elle part. Wa rajjaha Ibn Kathir rahimahullah al-iqbal li'anna al-ayat allati ba'daha was-subhi idha tanaffas. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit donc que ce qui est le plus juste, même si les deux termes sont corrects, il penche plus vers le fait que la signification c'est par la nuit lorsqu'elle apparaît. Pourquoi? Parce que le verset qui vient d'après c'est par l'aube lorsque il apparaît. Et donc Allah jure par la nuit quand elle apparaît et par la journée quand elle apparaît. Et ceci est en accord aussi avec la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit « Wal-layli idha yarsha, wal-nahari idha tajalla » par la nuit quand elle couvre toute chose. Donc la nuit couvre toute chose, elle apparaît. Et par le jour quand il apparaît clairement. Et aussi la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit « Wad-duha, wal-layli idha saja » par la journée montante, « Ad-duha » Donc le Doha qui commence après le lever du soleil. Et donc la journée qui apparaît clairement. Wal-layli idha saja, et par la nuit lorsqu'elle couvre toute chose. Et donc cela, le fait donc d'interpréter le mot asasa avec la signification qui apparaît, cela est donc plus en accord avec les autres versets que j'ai cités. Wa ra'ayna sabiqan أن الله تعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته فأقسم هنا بهذه المخلوقات العظام. Nous avons vu précédemment que Allah, il jure par les créatures qu'il veut. Et ici, il a juré par ces grandes créatures. النجوم, les étoiles. والليل, la nuit. والنهار, la journée. هذه المخلوقات التي ليس للإنسان أثر فيها. Ces créatures dont l'être humain n'a aucun impact sur elles. فأقسم الله تعالى بها لأهمية المقسم عليه. Allah Ta'ala a juré par ces créatures et cela dû à l'importance du sujet pour lequel il a juré. Wa huwa qawluhu ta'ala innahu laqawlu rasulin karim. Et ce sujet si important, c'est la parole d'Allah Ta'ala lorsqu'il dit innahu laqawlu rasulin karim. C'est certes la parole d'un noble messager. Dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin. Possesseur d'une force, détenteur d'une force et d'un haut rang auprès du possesseur de l'arche. Muta'in thamma amin, qui est obéi là-bas et digne de confiance. Fahadhihi al-aya 'azimatun jiddan. Hadhihi al-ayat 'azimatun jiddan liman ta'ammalaha. Ces versets sont très importants et grandioses pour ceux qui y méditent. فأقسم الله تعالى أن هذا القرآن هو قول رسول كريم وهو جبريل الرسول الملكي الذي أرسله الله تعالى وكلفه بتبليغ الوحي إلى الرسول البشري الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى أجري que le Coran est la parole d'un noble messager. Et ce noble messager qui est Jibril, le messager parmi les anges, ce messager que Allah a envoyé et a chargé, l'a confié la tâche de transmettre la révélation, le Coran, au messager parmi les hommes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fa wasafahu Allah ta'ala bil karam li husni akhlaqihi wa kathrati sifatihi al hamida. Allah Ta'ala l'a caractérisé comme étant noble, et cela par son bon comportement et tous ses attributs louables. Fa aqsama Allah Ta'ala أنه قول الرسول الملكي وفي سورة أخرى أقسم على أنه قول الرسول البشري. Et donc ici Allah Ta'ala, Allah le Très-Haut, a juré que cette parole est la parole de l'ange, est la parole du messager parmi les anges. Mais dans une autre sourate, Allah a juré que cette parole est la parole du messager parmi les êtres humains. Allah Ta'ala qui dit فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ. وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. Je jure par ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. Certes, ceci est la parole d'un noble messager et ce n'est pas la parole d'un poète. فلو سألنا سائل كيف تعرفون أن المراد بالرسول في سورة التكوير هو جبريل؟ Si un individu nous demande comment savez-vous que ce qui est voulu par le messager dans Sourate At-Takwir, c'est Jibril, et dans l'autre Sourate, c'est Mohammed. Comment pouvez-vous savoir cela ? Nous dirons que Allah Ta'ala a expliqué, a montré cela lorsqu'il dit « Vi kuwatin inda zil arshi makin » détenteur d'une force. Et d'un haut rang. Auprès du possesseur de l'arche. C'est Allah Ta'ala, auprès d'Allah. War Rasul al-Bashari Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam fil ard. Et le messager parmi les hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est sur terre. Il est sur terre. Fala yuradu illa Rasul al-Malaki. Donc ce qui est voulu ici, ce n'est que le messager parmi les anges, donc dans Surat At-Takwir. أما في الآية الأخرى فالمراد هو محمد صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى رد على المشركين الذين زعموا أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو قول شاعر. Mais par contre dans l'autre verset que j'ai cité, ce qui est voulu c'est le prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, car Allah dans ce verset il réplique aux polythéistes qui ont prétendu que ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la parole d'un poète. فَكَذَّبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى. Alors Allah a démenti leurs paroles. وَالسُّؤَلْ مَا الْمُرَادْ بِوَصْفِ اللَّهِ الْقُرْآنِ بِأَنَّهُ كَلَامُ جِبْرِيلِ أَوْ كَلَامُ مُحَمَّدْ sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, mais la question, qu'est-ce qui est voulu lorsque Allah Ta'ala décrit le Coran, décrit cette parole comme étant la parole de Jibril ou la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Al-jawab anna al-Quran yunsabu ila Jibril wa ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam niyabatan wa ila Allah ibtida'an. La réponse est que le Coran est attribué à Jibril et au prophète sallallahu alayhi wa sallam par transmission. Mais il est attribué à Allah à la base. فَاللَّهُ تَعَالَى هُوَ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ ابْتِدَاءً. Et donc Allah le Très-Haut, c'est lui qui a parlé par ses paroles, qui a prononcé ses paroles, le Coran, à la base. ثُمَّ كَلَّفَ جِبْرِيلَ بِتَبْلِيغِهِ إِلَى الرَّسُولِ الْبَشَرِيِّ. Et ensuite, Allah a confié la tâche à Jibril de le transmettre, de transmettre ce Coran au messager parmi les hommes. فَتَكَلَّمَ بِهِ جِبْرِيلَ. Alors là, Jibril a parlé avec le Coran. ثُمَّ كَلَّفَ الرَّسُولَ الْبَشَرِيِّ بِتَبْلِيغِهِ إِلَى جَمِيعِ النَّاسِ. Et ensuite, il a confié au messager parmi les hommes de transmettre ce Coran, de transmettre cette parole à tous les hommes. Alors, il a parlé avec le Coran. Wa antum tulahizun an Allah ta'ala aqsama bin nujum wal-layl wan-nahar ala annahu qawlu ar-rasul al-bashari. Et vous remarquez ici dans cette sourate, sourate At-Takwir, que Allah le Très-Haut, il jure par les étoiles, par la nuit, par le jour, que cette parole est la parole du messager parmi les anges, c'est-à-dire Jibril. وهذه المخلوقات التي أقسم الله بها من العالم السماوي. Et ces créatures par lesquelles Allah il a juré font partie du monde céleste. Et Jibril fait partie du monde céleste. فهذه الآيات هذه المخلوقات التي أقسم الله بها تناسب الرسول الملكي. Et donc ces créatures par lesquelles Allah a juré ici correspondent donc aux messagers parmi les anges. وأما فيما يتعلق بالرسول البشري محمد صلى الله عليه وسلم فأقسم الله تعالى بجميع مخلوقاته لأهمية هذا الرسول. En ce qui concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète parmi les humains, alors Allah Ta'ala a juré par toutes ses créatures, et ce, dû à l'importance de ce prophète. Allah Ta'ala qui dit « Fela uqasimu bima tubsirun wa ma la tubsirun » Certes, je jure par ce que vous voyez et ce que vous ne voyez pas. فأقسم الله تعالى بجميع مخلوقاته على أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله أخذه من جبريل الذي أخذه من الله. Et donc Allah le Très-Haut a juré par toutes ses créatures sur le fait que ce avec quoi est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa parole. C'est sa parole qu'il l'a prise de Jibril. Et que celui-ci, Jibril, l'a prise d'Allah Ta'ala. Fait Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam alayhi bi majnoun, wala bi sha'ir, wala bi kahin. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas fou, n'est pas poète et n'est pas voyant. فهذا القرآن كلام الله حقيقة. Et donc cette parole, ce Coran, est la parole d'Allah en vérité. ولا يمكن نفي ذلك إلا من متكبر جاهل بحقيقة كلام الله تعالى. Et seul un orgueilleux ignorant de la réalité de la parole d'Allah Ta'ala peut rejeter ceci. فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أُمِّيًّا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَقْرَأَ مَا كَتَبَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ فَيَتَعَلَّمُ قِصَصَ أَنْبِيَائِهِمْ. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était illettré. Il ne pouvait pas lire dans les livres des gens du livre, les juifs et les chrétiens, afin d'apprendre les histoires de leurs prophètes. Alors, qui a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui s'est passé avec les communautés précédentes? Qui? Wa idan hadha al-Qur'an فيه من العلوم ما لا يمكن لرجل أمي أن يصل إليها إلا وحيا من الله. Et aussi ce Coran contient des sciences dont il n'est pas possible qu'un homme illettré puisse connaître sans la révélation d'Allah Ta'ala. فكيف برجل أمي قبل أكثر من 1400 سنة يخبرنا بخلق الإنسان في بطن أمه. Comment est-ce qu'un homme illettré, il y a plus de 1400 ans, nous informe de la création du fœtus, la création de l'être humain dans le ventre de sa mère, les différentes étapes par lesquelles passe ce fœtus? كيف يعرف ذلك؟ Comment peut-il connaître cela? رجل أمي يكتب كتابا يكون مرجعا للشريعة يحكم بها الدول. Un homme illettré qui écrit un livre qui devient la source de la législation dont des états vont utiliser pour juger. ألا ترون أن الله تعالى اختار هذا النبي الأمي ليبين لكم أن هذا الكلام هو كلام الله حقيقة وليس كلام البشر. Ne voyez-vous pas que Allah le Très-Haut a choisi ce prophète illettré pour vous montrer que cette parole est la parole d'Allah en réalité et que ce n'est pas la parole de l'être humain. Nous devons méditer sur cela. ونكتفي بهذا القدر اليوم ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.